Selon Yonhap News de Corée du Sud, la police sud-coréenne s'est livrée le 12 aux violences à l'égard des habitants de la commune de Soson, canton de Chosun, arrondissement de Songju, province du Gyeongsang du Nord, opposée à la disposition de Saad. Ce jour-là, plus de 1300 policiers ont détenu de force dans la maison de rendez-vous du village les habitants engagés pour couper la route aux camions de l'armée et ont encerclé ceux qui ont barré la route pour la répression. D'autre part, le journal internet sud-coréen Tongil News a rapporté que le 12, les habitants et les croyants du bouddhisme Won de l'arrondissement de Songju et de la ville de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord, ainsi que l'Action nationale contre la disposition de Saad, ont accordé une conférence de presse devant le centre d'inspection à Séoul pour réclamer l'enquête sur tous les procédés de la disposition de Saad.